C'est le week-end sur Energy, moi c'est Lionel. Les Energy Music Awards 2013. Week-end spécial Energy Music Awards, on tient la barque depuis 9h ce matin, enfin on tient la barque, on tient le yacht, le yacht Energy Abyss Yachting. Vous êtes aux quatre coins de la France pour vivre les derniers préparatifs du plus gros show musical européen, répétition, l'éloge des stars, c'est important. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'éloge des stars ce soir? Julien est avec nous dans les coulisses des Energy Music Awards. Allô Julien? Ouais Lionel, alors je t'avoue que je me fais plaisir, je me balade un peu partout dans le palais des festivals pour voir un petit peu les préparatifs. Mais t'es payé pour ça, hein? Ouais carrément, et en plus bien, le plateau télé est magnifique, ça y est, il est prêt à accueillir les plus grandes stars de la planète, ça c'est bon. Et j'ai pris l'ascenseur il y a quelques minutes dans le palais des festivals avec Shy Metal. C'est la première fois que je rêvais qu'un ascenseur se bloque. Vraiment. Mais bon, je ne sais pas bloquer. J'ai vu aussi l'éloge de certains artistes, 1789, Kinvey, Carly Rae Jepsen, Birdie, Section d'Assaut, ça y est, c'est préparé pour aller chez Kiz. T'as piqué deux, trois bonbons, deux, trois chocolats, deux, trois trucs. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai aussi vu l'éloge de One Direction, elle est grande, hein, parce qu'il faut accueillir quand même les gars. Ah bah oui. Et puis alors, tu sais quoi, là, je me suis fait un petit kiff. Je suis sur le tapis rouge où les stars vont arriver tout à l'heure avec des fans d'Energy qui sont là, les auditeurs. Ah ouais. C'est incroyable. On a perdu Julien. Rendez-nous notre Juju. Julien, bon. C'est le feu. Ce soir, 20h50, Energy et TF1, ça va être une tuerie. Exactement. Montée des marches à suivre en direct sur Energy à partir de 19h. Et dans un instant, pour vous qui êtes devant le yacht. On a perdu Julien. Pour vous qui êtes devant le yacht Energy, on va offrir les deux dernières places pour les Energy Music Awards 2013. Les ultimes places. Après, c'est Walou, Kutchi, il n'y a plus rien. Après, c'est fini. Donc, qui seront les deux derniers gagnants, les deux derniers auditeurs à prendre place à l'intérieur du Palais des Festivals ce soir pour la grande cérémonie? Ben, on va faire le tirage au sort dans quelques instants. Le temps d'écouter David Guetta. Alors, Guetta, c'est confirmé, il sera le 23 juin au Parc Borély à Marseille. C'est avec Energy, la billetterie est ouverte. 23 juin au Parc Borély. On va l'écouter, David Guetta. Et puis, Calvin Harris qui arrive aussi sur Energy. Bon week-end.